J'ai vu tant de larmes couler sans chagrin. Faut-il tant de larmes pour se trouver enfin? J'ai vu des orages illuminer la terre, mais jamais un visage à cœur découvert. J'ai pris tant de routes qui n'allaient pas loin, des chemins de doute pour te trouver enfin. J'ai vu des mirages au fond des déserts, mais jamais un visage à cœur découvert. On cherche sans cesse, mais jamais en vain, un peu de tendresse pour se trouver enfin. Et comme un rivage où se calme la mer,